aujourd'hui à connaître ensemble Alternatives en santé périnatale. Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Mon nom est Marie-Pierre. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler des alternatives en santé périnatale et c'est le volet 2 de ce thème-là. On a eu la première émission le 23 novembre de l'année passée. On avait parlé d'acupuncture et de chiropratique. Aujourd'hui, pour la suite, on va parler d'herboristerie, d'ostéopathie et de naturopathie. En studio avec nous, on a Charline. Bonjour Charline. Bonjour Marie-Pierre. Et Christine. Allô. Salut. Alors, on va présenter ça tout au long de l'émission. D'abord, Charline, tu vas commencer avec l'herboristerie. Oui, en fait, je vais vous parler un peu d'herboristerie. Je suis loin d'être une spécialiste en la matière, mais j'ai eu la chance de suivre une formation le 14 février dernier en herboristerie pour sage-femme. Oh oui, 14 janvier dernier. Merci. ouais. Alors, c'était une formation qui était organisée par une étudiante sage-femme de quatrième année, Sarah okay. Bergeron. Et on a eu la chance d'avoir une conférencière avec nous, Marie-Soleil Larouche, qui est herboriste-thérapeute depuis 2009. OK. Alors, c'était vraiment intéressant. Habituellement, Marie-Soleil Larouche s'adresse plutôt à un public de jeunes parents, jeunes femmes enceintes pour ses conférences. Mais là, cette fois-ci, elle avait un public d'étudiantes sages-femmes. Alors, c'était vraiment intéressant. Alors, je vais vous parler un peu de l'herboristerie. Je me fie pas mal pour cette petite chronique sur son livre qu'elle a écrit, La naissance, voyage et création, guide d'herboristerie périnatale. Je pense pas qu'il est disponible dans plusieurs librairies. Je pense que pour s'en procurer un, il faudrait vraiment la contacter directement. Mais okay. En tout cas, c'est un livre qui est très bien fait, qui couvre à peu près toutes les périodes de la grossesse, la préconception, autant que l'accouchement, puis le postnatal et l'allaitement. Alors, avec toutes sortes de techniques et de recettes d'herboristerie périnatale. Mais il faut rappeler aussi que l'herboristerie, c'est quand même une science complexe, puis un guide, ça suffit pas toujours. Ça prend toujours l'avis d'un herboriste-thérapeute pour vraiment savoir... Pour nous guider aussi à travers ça. Oui. Puis même avec un herboriste-thérapeute, il faut souvent commencer les traitements ou les séances par des petites doses, puis commencer une plante à la fois pour savoir l'effet que ça fait sur ton corps. Oui, parce que l'effet n'est pas le même sur toutes les personnes. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Alors, c'est pas parce que c'est des plantes que c'est naturel, qu'il n'y a aucune contre-indication, puis que c'est à utiliser... N'importe quand, n'importe comment. Exactement. Alors, l'herboristerie, en fait, c'est d'utiliser les propriétés des plantes pour soigner les maux quotidiens ou les maux en aigu, c'est-à-dire plutôt... Les crises. Les crises, exactement. Alors, c'est une approche holistique qui prend en considération plusieurs sciences comme la physiologie, l'anatomie, la nutrition, la pharmacologie, la botanique et la relation d'aide. OK. Alors, c'est pour ça que c'est une science qui est holistique. Et c'est holistique, on va juste le... C'est un mot qu'on n'entend pas quand même souvent. Ben, là, ça considère l'être humain dans sa globalité. Exactement. Autant le corps que l'esprit, que les interactions avec son environnement. Belle description. Ben, merci. Définition. Alors, c'est ça. La période périnatale, c'est une période de grands changements dans les corps de la mère et de sa famille. Ouais. Alors, ça peut être intéressant de recourir à l'herboristerie dans cette période-là parce que, justement, c'est une période de grande fragilité, mais en même temps d'une grande puissance quand on voit ce que le corps des femmes est capable de réaliser, de mettre au monde un enfant et de le porter pendant 9 mois. Alors, justement, l'herboristerie, ça peut être une bonne façon de prendre en charge sa santé tout en consultant un herboriste-thérapeute. Mais ça nous amène vers une autonomie dans notre santé, une liberté qui s'accompagne, c'est certain, d'une responsabilité. Alors, comme on disait, d'être prudent avec tous les mélanges de plantes. Puis ça nous permet un peu, comme le mouvement d'humanisation des naissances, de se réapproprier son corps puis de découvrir la source profonde d'une satisfaction et d'un épanouissement à travers la santé. Alors, je vais vous donner quelques trucs pour trouver des plantes de bonne qualité. Okay. En fait, quand on les trouve dans les magasins, C'est important de vérifier qu'on peut voir le nom latin identifié sur soit le, sur la plante en vrac ou ouais, l'emballage. Alors, c'est aussi important que la plante soit biologique parce que, justement, on ingère les qualités, les plantes pour ses qualités nutritives et ouais, toutes ses propriétés, mais on ne veut pas non plus en ingérer les toxicités ouais, des pesticides ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment important que ce soit biologique. Je veux juste préciser, peut-être, tu sais, quand elle avait dit qu'il fallait regarder les noms latins, là, oui, dans le fond, c'est parce que, il me semble qu'elle avait dit, c'est parce que, mettons, s'il y a une menthe, on ça, veut y savoir, il y a plusieurs sortes de menthe. Fait que là, il faut savoir la bonne, puis la façon de vraiment pas se tromper. C'est avec le nom latin. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Oui, j'avais pas précisé pourquoi. Aussi, c'est important de savoir le pays d'origine, puis peut-être même le producteur d'où cette plante-là a été produite, okay, pour pouvoir la retracer, puis pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on consomme. Ensuite, c'est important aussi de pouvoir téléphoner à la compagnie pour obtenir la chromatologie avec le numéro de l'eau de la plante pour vraiment... OK. Ben, le numéro de l'eau de l'emballage pour vraiment retracer cette plante-là, qu'est-ce qu'elle a, où est-ce qu'elle a été produite. Produite. Et comment, où est-ce qu'elle a qu'est-ce poussé? Que tu consommes, toi, ouais, en la l'ingérant. Oui, parce ouais, que, mettons, une plante, la même plante qui a poussé, mettons, à, je sais pas moi, 3-4 000 mètres d'altitude n'aura pas les mêmes effets que celle qui a poussé dans les basses terres du Saint-Laurent, mettons. Exactement. OK. Il y a aussi plusieurs façons d'ingérer les plantes en herboristerie. C'est sûr qu'il y a les infusions. On mm-hmm, utilise plusieurs solvants, en fait. Il y a l'eau, la glycérine, le vinaigre, l'alcool. Alors, si on utilise l'eau comme solvant, on peut avoir des infusions, des décoctions ou des réductions. Mais si on utilise l'alcool, le vinaigre de cidre ou la glycérine, on va parler plus de teinture. OK. On peut aussi faire des onguents quand c'est dans l'huile. Mm-hmm. Et les huiles essentielles aussi, mm-hmm, dans l'huile. Alors, j'avais envie de vous parler de quelques plantes qui sont oui, vraiment nutritives et qui sont tout à fait adaptées pour le contexte de périnatalité. Alors, premièrement, il y avait la plante préférée de notre gentille conférencière Marie-Soleil, qui est l'ortie. En fait, l'ortie, c'est une plante qui s'apparente un peu, qui peut être consommée de plusieurs façons, là, en infusion, puis... Puis ça peut remplacer aussi les épinards dans plusieurs plats. OK. C'est cuit. Très... Oui, ouais, cuit, hein? Oui, parce cuit, que sinon, ça pique. Non, c'est cuit. Ça ouais, a plein d'épines. Allez pas vous mettre les mains là-dedans. Oh, mon Dieu. Mais ouais, c'est ça, c'est une plante qui est vraiment riche en nutriments, qui alcalinise le corps. OK. Qui peut être un tonique du système rénal, puis ça facilite l'assimilation de fer, en tout cas. Il y a plein de bonnes propriétés pour la grossesse, puis en particulier, ça peut aider à l'œdème, mm-hmm, l'enflure. Et aussi, c'est ça, avec la rétention d'eau, ça peut diminuer tout ça. Mm. Mais je vous donne des petits trucs comme ça, mais c'est vraiment plus détaillé dans son livre, le guide d'herboristerie périnatale. Ouais, c'est un survol, là. Oui. Ouais. Sinon, il y a l'avoine, qui peut être vraiment intéressante pour les démangeaisons. Mmh. Dans le fond, le truc qu'elle nous avait dit, c'est de l'entourer dans un tissu, puis de mettre plein de graines d'avoine dans le tissu et de le mouiller et se le passer sur le corps dans le ouais, bain. Comme faire un petit baluchon. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait comme du lait d'avoine, dans le fond, c'est ça? Je sais qu'à l'hôpital de Beauceville, ils ont employé de la poudre d'avoine pour un bain-siège après l'accouchement, pour le périnée. Ah! Oui. Ben, c'est une bonne... En 1980. Ah bon? Oui, c'est intéressant. On peut présenter la personne qui vient de parler, peut-être. Parce qu'on ne l'avait pas présenté au début. C'est Louise Guillemette qui, avec qui on va parler de naturopathie plus tard. Merci pour cette précision. Ben oui. Il y a aussi des tisanes d'avoine qu'on peut faire qui sont très nutritives et toniques du système nerveux. Ensuite, on a bien sûr le framboisier, qui est comme la plante... de la féminité, là, okay, qui est vraiment astringente, nutritive, riche en minéraux. Puis c'est un tonique utérin qui, vraiment, ça renforce l'utérus, ça potentialise le myomètre, le muscle, et ça favorise son irrigation. Et ça aussi, on peut le consommer en tisane. Irrigation sanguine? Oui, oui. Puis, Christine, tu voulais nous parler un peu du gingembre? Ah, ben oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on en a parlé dans le cours, mais c'est aussi une plante qui est quand même assez intéressante pour les femmes enceintes qui ont des nausées. Là. Mm-hmm. C'est Il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais. Mais ça reste quand même une plante qui est efficace, soit même juste en tisane, ça peut faire du bien pour celles qui sont capables de l'ingérer, mm-hmm. dans le fond. Et aussi, un petit fait cocasse, l'huile essentielle de gingembre pouvait stimuler le désir sexuel en préconception. C'est qui? Toujours. Ça peut être le fun. Ben oui. Enfin, je vais vous parler du trèfle rouge, qui aussi peut être consommé en macération ou en tisane. Alors, c'est aussi une plante qui est riche en minéraux, qui est utilisée dans certains mélanges thérapeutiques contre le cancer. Ah oui? Oui. Puis ça peut aussi aider contre l'eczéma. Mais il ne faut pas confondre avec le trèfle blanc, justement, d'où l'importance de trouver les noms latins sur les, mm-hmm. les emballages, parce mm-hmm. que le trèfle blanc est très toxique. OK. Mm-hmm. Alors... Il y a quand même... Ouais. Une grosse différence oui. entre les deux. Puis c'est ça, finalement, le trèfle rouge, il est aussi riche en phytoestrogènes. Fait qu'on peut l'aider, on peut l'utiliser pendant la ménopause aussi. Oh! Alors, c'est un petit survol, mais je vous invite vraiment à consulter un herboriste périnatal pour. Mm-hmm. Non, une herboriste thérapeute, pour, ouais. que ce soit pour la période périnatale ou pour la vie. Oui, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est vraiment plein de trucs que, tu sais, si on veut éviter d'aller à la pharmacie pour s'acheter des médicaments mm-hmm. qui peuvent vraiment aider. C'est une belle alternative. Oui. Ouais. Voilà. Alors, c'était donc, mon survol. Merci, Charline. On a Ingrid qui voulait faire un petit commentaire. Oui, juste pour vous dire que depuis 2004, il y a vraiment une réglementation au Canada sur tout ce qui est produits de santé naturelle. OK. Donc, nécessairement, il faut que les fabricants ils ont vraiment des normes. Des normes au niveau des étiquettes, mm-hmm. de la posologie, de qu'est-ce que ça contient. Donc, vraiment, là, depuis 2004, tous les produits naturels qui se retrouvent en pharmacie, en tout cas principalement, et dans les magasins naturels sont vraiment testés en laboratoire préalablement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de toxines. Et c'est vraiment réglementé depuis 2004. Bon, hey, merci Ingrid. Alors, Charline, on est rendu, tu avais fait un reportage sur l'ostéopathie. Oui, en fait, une entrevue avec une ostéopathe. OK. Alors, on l'a enregistré, fait qu'on va vous faire écouter ça. Vous êtes à l'écoute de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Bonjour, je m'appelle Charline, je suis étudiante sage-femme et chroniqueuse à l'émission Connaître ensemble. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mme Chantal Hébert, qui est ostéopathe de formation. Elle est aussi maman de deux beaux enfants. Bonjour Chantal. Bonjour Charline. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de participer à notre émission. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour notre auditoire? Je suis ostéopathe maintenant depuis 13 ans. J'ai fait dans un premier temps une formation en physiothérapie à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai travaillé auprès d'une clientèle orthopédique avec des déficients mentaux et j'ai développé un intérêt tout particulier pour traiter la clientèle de façon globale. J'ai donc décidé par la suite de poursuivre ma formation en ostéopathie au CEO, Collège d'études ostéopathiques. Je travaille maintenant avec une clientèle variée, soit orthopédique, principalement auprès des femmes enceintes, des nourrissons, des enfants, des jeunes adolescents. Je fais également des suivis auprès des jeunes sportifs. Parfait. Alors, l'émission aujourd'hui traite justement des alternatives en santé dans le monde de la périnatalité. On va aborder avec vous plus précisément l'ostéopathie. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est une médecine naturelle. Un art basé sur les actes palpatoires précis. Ces actes ont pour objectif de libérer les différents tissus de l'organisme et de leurs restrictions afin qu'ils accomplissent leurs fonctions naturelles. Et quel genre d'études ça prend pour être ostéopathe? Maintenant, il existe deux sortes de formations qu'on peut suivre. Une formation à temps plein et une formation à temps partiel. Quand j'ai fait mon cours, il y avait juste une formation à temps partiel. Aujourd'hui, le cours à temps partiel est d'une durée de 7 ans, soit 5 ans de formation à raison de 6 à 7 séminaires par année, à peu près 5 jours par séminaire. Et par la suite, on a 2 ans pour rédiger une thèse, soit une thèse théorique ou une thèse pratique. Après la 3e et la 5e année de notre formation, on a un examen théorique et pratique devant un jury international. C'est très stressant. J'imagine. Oh que si! Mais depuis quelques années, il existe maintenant un cours qui se donne à temps plein. Il ne fait pas encore partie de l'Université de Montréal, mais on est en collaboration pour la formation avec l'Université. Ce cours-là est d'une durée à peu près de 4 ans. Il est d'une durée de 4 ans et demi. De la première à troisième année, les cours sont dispensés du lundi au mercredi. Selon l'expérience des étudiants, on doit consacrer à peu près une heure et demie de travail par heure de cours. Donc, l'étudiant doit travailler par lui-même une trentaine d'heures par semaine pour suivre le cours à temps plein. D'accord. C'est quand même exigeant comme formation. Et pouvez-vous nous parler un peu de la philosophie de l'ostéopathie? La philosophie. On parle ici de science et d'art. Surtout, au niveau des sciences, on a beaucoup de cours théoriques basés sur les notions d'anatomie, de physiologie, de biologie, neurologie. C'est à peu près les mêmes principes et les concepts que les cours qu'on retrouve en sciences de la santé. Au niveau de l'art, nous autres, c'est un petit peu plus particulier car chaque traitement, c'est toujours différent un traitement de l'autre, même si la personne consulte pour le même problème. Le travail se fait sur la cause et non sur le symptôme. Par exemple, si quelqu'un se présente avec un problème à un pied, pour deux personnes, même s'ils ont le même problème, il faut aller voir où vient, c'est quoi la cause. On va aller évaluer le genou, le bassin, et on va traiter la personne selon ce qu'on trouve au niveau de la diminution de mobilité. Donc, pour un problème de cheville, on peut avoir deux traitements complètement différents. La philosophie, car on n'exclut jamais l'être humain de son ensemble et de son environnement. On englobe toute la personne, soit l'aspect physique, l'aspect émotionnel, spirituel. Si quelqu'un se présente avec la difficulté à respirer, on lui demande « Y est-tu arrivé quelque chose au niveau du stress dernièrement? Y a-tu eu un gros problème dans la famille? » Et souvent, le client va pleurer en traitement, puis là, à force de discuter, on s'aperçoit que les vertèbres et les côtes se libèrent. Donc, c'est vraiment une façon globale de traiter le patient. Alors, vous traitez la personne avant de traiter la maladie ou le mot? On traite les deux ensemble. OK. Et la durée des traitements, ça se situe autour de combien de temps environ? Tout dépendant des cas, on va traiter le patient autour d'une heure. Et si c'est une pathologie qui existe depuis longtemps, c'est certain que ça va prendre quelques traitements avant de commencer une libération de normalisation. Par contre, si c'est un accident qui est arrivé la semaine dernière, on va pouvoir dégager beaucoup plus rapidement. Habituellement, quand on donne 3 à 4 traitements chez un client, si on n'a aucun résultat, je pense qu'on doit les référer à quelqu'un d'autre. Soit un acupuncteur, le retourner à son médecin, l'envoyer en orthopédie. On devrait au moins avoir des résultats après 3 à 4 traitements. Puis les grands principes directeurs de l'ostéopathie, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? L'ostéopathie a été énoncée par notre fondateur Andrew Taylor Steele, qui est un médecin américain qui a commencé sa première école en 1892. Andrew Taylor Steele a perdu sa femme et 3 enfants suite à des bronchites. Il a été très révolté de ça parce qu'il n'a pas pu, en tant que médecin, sauver ses propres enfants et sa femme. Il a voulu arrêter de pratiquer. Et par la suite, il a recommencé, mais il y a un patient qui est rentré dans son bureau avec des symptômes de bronchite. Et là, au lieu de lui donner des médicaments, il a décidé de travailler son thorax. Et il s'est aperçu qu'avec ses mains, il pouvait dégager ses poumons. Et le patient, il lui a indiqué de revenir le lendemain. Et le lendemain, quand il s'est présenté, il n'y avait plus de sécrétion au niveau des poumons. Wow! Et c'est comme ça qu'il a commencé à manipuler ses patients et à évaluer le corps plutôt que juste donner des médicaments. L'ostéopathie a 4 grands principes de base. Le premier principe, c'est l'unité du corps. Le corps est un tout. Chaque structure est reliée aux autres. Les os, les muscles, les fascias, les viscères. S'il y a quelque chose là-dedans, une structure qui est bloquée, ça va bloquer les autres structures. Et là, il faut trouver, en tant qu'ostéopathe, quelle est la cause première du blocage. Et c'est là qu'on, comme tout à l'heure, le pied, il faut savoir, est-ce que c'est le bassin qui écroche, qui amène une lésion au pied, ou c'est vraiment le pied qui amène une douleur lombaire? Ça, c'est le premier principe, l'unité du corps. Le deuxième principe, c'est la structure gouverne la fonction. S'il y a une réduction de mobilité dans une structure, il y aura des conséquences sur la fonction. Exemple, si le client fait un accident d'auto et qu'il y a des côtes de bloquées, le poumon ne pourra pas ouvrir et fermer normalement. Il faut commencer par débloquer les côtes, sinon le patient il peut se retrouver avec de l'asthme chronique, il peut se retrouver avec des complications au niveau de ses poumons. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, c'est la loi de l'artère. Il faut dans notre corps qu'on ait une bonne circulation, sinon l'énergie ne passe pas. Et il faut s'assurer que la circulation, qu'il n'y ait pas de dysfonction au niveau de la circulation. Et la quatrième et non la moindre, l'autorégulation et l'auto-guérison. Le corps humain possède une puissante capacité d'auto-guérison tant que les structures peuvent bouger normalement. Si une structure ne bouge pas correct, il ne pourra pas guérir. Donc, le but de l'ostéopathe, c'est de donner du mouvement à toutes les structures le plus possible pour que le corps se reprenne en main et puisse faire l'auto-guérison par lui-même. C'est assez complet. Merci beaucoup. Et vous avez donné quelques exemples de situations dans lesquelles l'ostéopathie pourrait nous venir en aide, mais plus spécifiquement pour la période post- et prénatale, périnatale. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette période cruciale dans la vie? Oui, effectivement. Je suis des femmes enceintes. Pendant la grossesse, c'est certain que la femme subit de grosses modifications physiologiques. Hormonales, par exemple, mais aussi mécaniques. Augmentation du volume de l'utérus, ce qui amène des transformations au niveau du corps dans les courbes lombaires, dorsales, cervicales. Les transformations peuvent augmenter les troubles que la femme enceinte avait déjà avant de tomber enceinte et peuvent entraîner des troubles fonctionnels. Il arrive souvent dans nos cabinets d'avoir des femmes enceintes avec différents troubles. Des troubles mécaniques, douleurs lombaires, des sciatiques. Dans le milieu de la grossesse, ça arrive très souvent parce que la courbe lombaire est très augmentée. Ils ont des douleurs au sacrum, ils ont des douleurs au coccyx. Ils ont des maux de tête parce que la tête compense, le cou compense pour la courbe lombaire qui est exagérée. Dans mon cabinet, il arrive souvent aussi des syndromes de tunnel carpien, des engourdissements au niveau des mains avant et après accouchement. Ça, c'est fréquent, puis on voit qu'en pratique, on dégage les avant-bras, puis ça aide énormément. On trouve également des douleurs dorsales, encore à cause des changements de courbe. Ils ont aussi des troubles digestifs parce que le bébé, il va prendre la place qu'il veut dans son ventre, mais des fois, il peut pousser sur nos intestins, il peut pousser sur notre estomac. La femme se retrouve avec des nausées, avec des difficultés à digérer. Ces troubles résident dans les modifications du corps. Il y a également des troubles circulatoires, des jambes lourdes, des impatiences dans les jambes. En résumé, l'ostéopathe, avec une femme enceinte, va chercher à améliorer la mobilité des structures. Okay? Il faut souligner que l'augmentation de la mobilité du bassin avant l'accouchement, nous autres, on travaille beaucoup pour que le bassin bouge dans tous les sens, ça va faciliter un bon accouchement. Parce que s'il y a un blocage quelconque au niveau ligamentaire, la femme va beaucoup plus souffrir pendant l'accouchement. Fait que notre rôle, c'est de bouger le bassin. On va faire des manœuvres aussi viscérales au niveau du ventre pour dégager l'estomac, pour dégager le côlon, pour que la femme puisse vivre une grossesse plus adéquate avec moins de symptômes. On peut également Il faut comprendre que l'ostéopathie, c'est des techniques douces. C'est pas dangereux, c'est pas nocif pour la femme enceinte et le futur bébé qui s'en vient. Souvent, il y a du monde qui vient nous voir, puis est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, il n'y a pas de problème. On ne fait pas de manipulation agressive, c'est très doux et ça donne de très bons résultats. Il ne faut pas oublier que la femme enceinte, au niveau hormonal, se prépare à l'accouchement. Donc, tous les ligaments de son corps s'étirent et ça amène une petite instabilité au niveau mécanique. Donc, à risque souvent de se blesser plus que dans un temps normal. Fait que l'ostéopathe va plus souvent dégager pour aligner le plus possible le corps pour que la femme puisse arriver à la fin de sa grossesse adéquatement. En général, on peut traiter la femme jusqu'à la fin de sa grossesse, tout dépendant de ses symptômes. Mais c'est certain qu'à la fin de la grossesse, elle ne peut pas se coucher sur le dos sur la table de traitement, c'est trop difficile. Fait qu'il faut adapter notre traitement. On couche souvent la femme sur un côté, sur l'autre côté. On dégage le bassin, on dégage le cou, on dégage les dorsales. Et on la fait bouger constamment sur notre table pour qu'elle soit dans des positions confortables. Ça m'arrive aussi de traiter la femme en position assise pour dégager les tunnels carpiens. Souvent, on les met en position assise. Il y a des patientes qui, post-accouchement, ça m'est arrivé 4-5 fois certain que mes mamans ne pouvaient même pas prendre le bébé après l'accouchement parce qu'ils ne sentaient pas les mains. Donc, il m'arrive souvent, on demande après combien de temps qu'on peut traiter la maman et le bébé. Aussitôt que la maman elle sent le besoin, ça peut être 4-5 jours après l'accouchement qu'on traite au niveau des avant-bras parce qu'elle a peur d'échapper le bébé. C'est certain qu'en lombaire, on ne traite pas tout de suite après l'accouchement. On attend une semaine ou deux que les tissus se replacent un peu parce qu'il y a quand même eu un bon traumatisme. Mais on peut traiter tout de suite en dorsale, en cervicale, au niveau des mains, il n'y a aucun problème. C'est intéressant, ça. Est-ce que pour le nourrisson, il y a beaucoup de traitements qui sont possibles aussi? Oui, le nourrisson, ça, c'est extraordinaire de traiter les nourrissons. C'est ce que j'aime le plus. En fait, excusez, les nourrissons, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de blocage depuis très longtemps. Quand on traite un adulte, des fois, il traîne un problème depuis 5, 10 ans et c'est des lésions par-dessus lésions. Mm-hmm. Un nourrisson, quand ça naît, ça fait pas longtemps que ça a des lésions. Non. C'est soit post-accouchement ou soit, souvent, c'est des positions intra-utérines. Ils restent coincés dans des côtes, ils ont la tête en bas depuis 2-3 mois. Fait quand ils naissent, ils peuvent avoir un torticolis, ils peuvent avoir des compressions au niveau cervical, ils peuvent avoir des fois une jambe mal positionnée dans le ventre. Puis quand ils naissent, bien, la hanche ne bouge pas normalement, le bassin a été comprimé. Mais un traitement chez un nourrisson, ça équivaut à 5-10 traitements chez un adulte. Ils réagissent très rapidement. Les effets sont perceptibles rapidement? Très rapidement. Okay. Toujours plus rapidement que qu'est-ce qu'on s'attend. Chez un nourrisson, on peut traiter différentes choses. On peut traiter la régurgitation. Ça arrive souvent qu'on dégage au niveau thoracique et le bébé ne régurgite plus du tout. Les sommeils perturbés. Des fois, ils ont la tête plus d'un côté que de l'autre, donc ils ne sont pas confortables en position couchée sur le dos. On dégage les dorsales. C'est certain que chez un nourrisson, on ne fait pas la même pression que chez un adulte. Non, j'imagine. Il n'y a aucun danger non plus de traiter un nourrisson. On y va doucement et les mamans, ils nous posent beaucoup, beaucoup de questions pendant le traitement. C'est important en tant qu'ostéopathe de les rassurer sur le traitement comme tel. Et on donne également beaucoup de conseils aux parents. Moi, ma formation de base, je suis physiothérapeute. Donc, le développement moteur m'intéresse beaucoup. Quand un enfant, bien là, je parle un petit peu plus d'enfants autour de 4-5 mois, mais quand il commence à 4-5 mois puis qu'il ne tourne pas du tout, ni d'un côté que de l'autre, on commence à avoir un petit retard moteur. Ouais. Donc, on donne des exercices aux parents, on leur montre comment faire bouger l'enfant parce qu'on a des enfants qui sont plus moteurs et d'autres plus observateurs. Mais il ne faut quand même pas perdre prendre du retard au niveau moteur. Je trouve ça intéressant de traiter les bébés parce qu'il faut... Souvent, les parents, il y a des parents qui veulent mettre les enfants tout de suite debout. Et c'est très, très important qu'un enfant fasse son quatre pattes parce que c'est là qu'il va développer toute sa dissociation entre le thorax et le bassin. OK. Fait qu'on on répète, surtout quand il y a un petit retard moteur, on dit aux parents, élevez pas les enfants debout. Faut vraiment qu'ils soient à terre. Couchez-vous à terre, faites-le rouler, faites-le marcher. Fait que ça, c'est vraiment intéressant comme ostéopathe de suivre un enfant. Bon, on va revenir au nourrisson, je m'excuse. Un nourrisson, c'est certain qu'il faut les voir à la base avant 3 mois. Parce que c'est avant 3 mois, son crâne est très flexible. Et en post-accouchement, quand on accouche de façon naturelle, il y a certains crânes qui sont allongés, qui sont déformés un peu. Surtout s'il y a eu des ventouses et des forceps. C'est en dedans de 3 mois, c'est facile pour nous autres de modeler un crâne. Et c'est pour ça qu'il faut le voir avant 3 mois. On traite aussi les bébés souvent pour la constipation. C'est sûr que les organes sont en train de se placer chez un nourrisson. Fait qu'il y en a qui ont plus de difficultés à aller à la selle. Il y en a qui sont plus en diarrhée. On fait beaucoup, beaucoup de normalisation en travaillant le bassin, puis on a des excellents résultats. Je traite aussi des enfants pour du strabisme léger. Souvent, ils ont des compressions au niveau du visage. Fait qu'on relâche les muscles au niveau des yeux, des joues, du front. On a des bons résultats à ce niveau-là également. C'est certain que si le strabisme est trop important, on l'envoie en optométrie. Mais en général, on a des bons résultats. Ça, c'est dès 3 mois, le strabisme? Oui, on peut voir à partir de 3 mois. Oui, on le voit. Comme je travaille souvent avec des ergothérapeutes aussi, j'ai une équipe d'ergothérapeutes qui suit des enfants autistiques et des enfants avec retard moteur, des enfants qui sont hypersensibles, hypotoniques. On travaille beaucoup en collaboration, on a des excellents résultats. On a également beaucoup d'enfants qui sont adoptés, des Chinois, qui arrivent avec des grosses angoisses. Ouais. Et le fait de travailler le thorax et d'équilibrer tout le système, en dedans de quelques mois, on voit des bonnes différences. Ah. C'est vraiment intéressant de voir ça. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. Puis vous en avez un peu parlé aussi. Est-ce que vous recommandez des fois un traitement complémentaire à l'ostéopathie? Vous avez dit des fois vous référez en acupuncture, Pas en acupuncture comme telle chez les bébés. Chez les enfants, on le fait. Mais chez les bébés, souvent, je les envoie en ergothérapie. Ça, c'est régulier. Massage léger aussi. Il y a beaucoup de parents qui font du yoga avec les enfants. Ouais. Il y a des femmes qui sont spécialisées là-dedans à Montréal. Ça fait du bien. Je les envoie souvent à la piscine. Ceux qui ont des retards moteurs, je demande aux parents d'aller jouer avec eux autres dans l'eau parce que c'est un contact avec la maman puis ça leur permet de bouger beaucoup puis de libérer des tensions au niveau des épaules. Parce que souvent, les bébés qui ont des retards, qui commencent à avoir des petits retards moteurs, on les laisse sur le dos parce qu'on travaille sur le ventre, mais ils ne restent pas longtemps sur le ventre. Ils restent 30 secondes, une minute. Je demande à la mère de les mettre souvent sur le ventre pour qu'ils puissent faire l'extension de la tête puis commencer à avoir l'horizontalité du regard. Ça, c'est très important pour le développement. Mais dans l'eau, le bébé va plus pouvoir étirer sa région dorsale, renforcer le cou, tourner la tête. Je donne des exercices aussi souvent de rotation au niveau du bassin, de rotation du cou au niveau du cou. Les traitements, c'est ça, surtout en ergothérapie. On fait des suivis. Puis aussitôt que l'enfant, vers 2-3 ans, mais là, on réfère beaucoup en orthophonie aussi. OK. Pour les retards verbaux. De langage. De langage, oui. Bien, merci. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. Merci infiniment, Chantal, d'avoir participé participé à l'émission. Bien, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Ça a fait plaisir. Au plaisir de vous revoir en ostéopathie. Bien, merci. Bonne merci. Journée. Hey. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Connaître ensemble, l'émission des étudiantes sages-femmes. On est à notre spéciale Alternative en santé. On vient d'entendre le reportage de Charline avec Mme Chantal Hébert, qui est ostéopathe à Montréal, je pense. À Verdun. À Verdun, OK. Donc, ben c'est ça. Au retour de la pause, on va avoir Mme Louise Guimette avec nous, qui a une formation en naturopathie, et avec Christine qui va nous animer la deuxième partie de l'émission. On s'en va en musique avec Yael et sa chanson « Que veux-tu » sur les ondes de C'est fou 89.1. Ils se croisent tous les jours comme un couple en amour. Elle lui sourit légèrement avec un tas d'arrière-pensées. Regarde toujours où il va, ce qu'il fait dans son rétroviseur. Mais elle n'a jamais, quand elle ne le voit pas un matin, elle s'inquiète, comme s'il lui appartenait un peu dans sa tête. Elle n'a jamais, ne serait-ce que baissé sa fenêtre. Il ne s'en rend même pas compte à croire qu'il est bête. À l'écoute de Connaître ensemble avec les étudiantes sages-femmes. On est à notre spéciale alternative en santé et on est rendu à la deuxième partie de l'émission qui est sur la naturopathie avec Christine. Oui, bien, rebonjour. Rebonjour. Ben, je veux juste faire une petite précision parce que souvent on entend la deuxième partie du mot naturopathie. Pathie, ça vient de la pathologie. Oui. Puis naturopathie, c'est pas une pathologie de la... de la nature. Non, c'est ça. C'est pas une maladie, là, la nature. C'est vraiment, ça vient en fait d'une combinaison combinaison de nature en anglais et path, comme le chemin de la nature. Fait que dans le fond, c'est de pouvoir de guérir avec ce que la nature nous offre. Fait que c'est de là que ça vient, naturopathie. Fait qu'on était avec Louise Guillemette, avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Ben dans le fond, peut-être que tu peux te présenter de ta formation et ton parcours, dans le fond, jusqu'à temps que tu fasses la formation en naturopathie. Bon. Alors, moi, j'ai décidé de faire une infirmière. Puis, ce qui m'a attirée dans cette formation-là, c'est le soin aux humains. J'avais d'avance horreur des médicaments. Alors, donc, j'ai eu une formation à une école infirmière qui était affiliée à un hôpital. Donc, on avait de la pratique là, à partir du troisième mois. Et en faisant mon cours d'infirmière, j'ai lu des livres de naturopathie sur la santé, le fonctionnement du corps que ma mère achetait dans un petit magasin d'aliments naturels. Et j'ai comme lu pendant toutes ces années-là, après avoir quitté l'hôpital en 77, je continuais d'étudier parce que j'avais le fonctionnement du corps en mémoire. Ce qui fait qu'on pourrait appeler les 40 dernières années pratique études autodidacte en naturopathie. Et comme je touchais aussi à l'alimentation, alors j'ai appliqué ce que je lisais sur mes filles, mon mari, mais surtout par des téléphones à des personnes qui m'appelaient parce qu'il y avait des problèmes. Puis, j'ai commencé à donner des conférences en 1980-81. J'ai commencé par comment soigner avec l'argile et puis l'alimentation. Puis, de 81 à 84, j'ai surtout donné des ateliers comment soigner avec l'argile. Puis, je recevais des téléphones, puis je leur disais de me rappeler pour les résultats. Ce qui fait que j'ai accumulé des témoignages à mesure que j'avançais dans comment aider. C'était surtout comment aider les mères à soigner leurs enfants à la maison. Moi, je suis pas une vendeuse. C'était surtout d'aider les mères à soigner leurs enfants à la maison. Fait que je lui expliquais, mettons, le fonctionnement du corps pour qu'ils arrêtent d'avoir peur de l'inconnu. Parce qu'une mère, devant son enfant qui est malade, elle a peur d'un inconnu. Mm-hmm. Elle a peur de le perdre. Puis, en 1996, je suis allée suivre un cours académique de naturopathie avec le docteur Guy Bohémier, puis qui est le directeur du Collège des naturopathes et non des naturothérapeutes. Okay. Naturothérapeute, c'est peut-être 3-4 mois de formation. Puis, un naturopathe, c'est 4 ans d'université. OK. Puis, lui, il disait qu'il y avait 2 sortes d'étudiants. Ceux qui n'ont jamais fini d'étudier avant de commencer à pratiquer, puis ceux qui commencent à pratiquer avant d'avoir fini d'étudier. Fait que moi, je faisais partie de la deuxième catégorie parce que, tu sais, je leur donnais des conseils d'après tel livre, tel docteur, tel naturopathe. Mm-hmm. Puis j'avais beaucoup de résultats. Oui. Oui. Déjà, même avant de faire la formation, dans le fond, il y avait des résultats que tu avais pu observer. Oui, oui. OK. Puis surtout... mes filles n'étaient jamais malades. Bon, fait que j'ai pris l'expérience, surtout avec les enfants des autres, ça, mais mm-hmm. quelques-unes expériences sur mes filles. Bon. Puis un naturopathe en tant que tel, ben, qu'est-ce que ça fait, dans le fond? Disons que ça rejoint les autres médecines que vous avez parlé tout à l'heure. Elle a dit exactement... comme je pensais, puis comme c'est, la naturopathie, ça soigne l'être humain dans sa globalité. Mm-hmm. Parce que le corps n'est pas séparé de l'esprit, et puis c'est ça, corps, âme et esprit. Puis surtout à partir de facteurs naturels de santé. Bon, comme exemple, l'eau, l'air, le soleil, l'alimentation, le repos, le sommeil, l'exercice, le vêtement même. Il y en a qui se posaient des questions, le vêtement. Ah, comment ouais? ça? Bien, le petit bébé qui a des coliques, ça peut être à cause de son pyjama. Ah ouais? Ah, comment ça? Bien, c'est que, supposons qu'il y a un pyjama d'acrylique. Il a trop chaud quand il dort. Il se repose mal. Okay. Et il digère mal. Ah! Puis ça peut être souvent, une cause. Oui, ça peut être une cause à cause de bon, le tissu du mm-hmm. vêtement est pas approprié. Laisse pas respirer la peau. Et il y a trop chaud. Puis, donc, je parlais à des grands-mamans même en disant d'acheter des pyjamas de coton, de flanellette. Mm-hmm. Puis, bon. Alors, bon, exemple, le vêtement, le repos, le sommeil. Un autre exemple, le docteur Bouhimi, il nous parle d'un jeune homme de 25 ans, une fois, qui avait des problèmes de perte de cheveux. Puis, il avait tout revu. Les facteurs naturels de santé, il y avait, il faisait de l'exercice, une bonne alimentation, une bonne philosophie de vie, une bonne pensée, tout. Puis, il dit, à quelle heure vous vous levez? À 4h30. Mm. Pourquoi? Est-ce que vous dormiriez plus? Oui. Pourquoi vous vous levez à 4h30? Parce que ma mère nous a toujours habitués à se lever à 4h30. Mm. Essayez donc de dormir plus. Il a prolongé son sommeil puis a arrêté de perdre ses cheveux. C'est vraiment la globalité. Ouais. Ouais. Puis aussi, mettons, on fait aussi la psychothérapie. Ça fait partie de la naturopathie. Ouais. Il donnait l'exemple de... on questionne sur... mettons qu'il y a des ulcères d'estomac, qu'il y a de la misère à digérer. Bon, il a le stress, le fameux mot stress. Ouais. Dans son travail... une secrétaire qui, à côté de lui, qui l'énerve, mm-hmm. en tout cas, qui est trop lente ou tout ça. Fait que on l'aide, on l'amène à changer d'attitude ou de rationaliser son émotion, tu sais, mm-hmm. exemple. Puis aussi, la naturopathie, c'est pas seulement que le naturopathe qui va trouver le problème de la personne qui vient à lui. C'est que avec la personne, mm-hmm. En posant plein de questions. Oui, c'est ça. Justement, les questions, supposons qu'il y en a une personne qui me pose une question. Moi, je dis, quand vous avez une question, moi, j'en ai 50 à vous poser. Mm. Donc, on voit avec la mm-hmm. personne, on peut l'amener à trouver elle-même son problème. Puis, on peut suggérer des solutions. Fait que là, c'est ça. En général, c'est à partir des facteurs naturels de santé, qu'on aide la personne à soigner, à soulager, à guérir un problème. Mm-hmm. On donne des moyens aussi avec l'alimentation. Ça peut toucher l'herboristerie aussi, les plantes, les tisanes, ça fait partie mm-hmm. de la naturopathie. Okay. C'est comme une sous-division, si on veut. Mais ça se rejoint, ça. Ouais, c'est comme, je dirais que mettons que la médecine, elle se spécialise, donc elle sépare le corps en fonction et en morceaux. Ouais. Mais quand on dit soigner dans sa globalité, bien, ça se tient, ça. Ouais. Tu sais, fait que l'ostéopathe, c'est dans sa globalité, l'herboristerie aussi... Ouais. Elle fait c'est un juste peu une de... approche un petit peu différente, oui, mettons, selon... Oui, c'est ça, l'approche est différente, okay. Oui. Puis, mettons qu'il y a une femme enceinte qui aurait le goût d'aller voir qu'est-ce que le naturopathe peut lui apporter, que ce soit parce qu'elle a des symptômes de nausée, par exemple, ou même pas, là, pourquoi que ça l'aiderait d'aller voir un naturopathe, mettons? Bon, sûrement qu'elle va aller voir un naturopathe parce qu'elle a un problème de santé. Oui. Bon, supposons qu'on parle de la grossesse, elle a des symptômes de nausée, difficulté à digérer, prenons la nausée. Bien là, on préconise, on fait beaucoup de prévention mm-hmm. Avec les sages-femmes aussi, les médecines alternatives font plus de prévention que la médecine curative, supposons. Ouais. Mais on a les deux. Alors, on parle du fonctionnement du foie. Le foie, c'est une glande. Si, puis la grossesse, c'est le système glandulaire, endocrinien. Alors, on parle de... S'il y a une glande débalancée, bien, les autres sont un peu débalancées. Mm-hmm. Fait qu'on aide le foie, comme on tonifie, supposons avec du jus de citron. Okay. On peut le nettoyer un peu aussi, mm-hmm. Même si la personne est enceinte. Mais en prévention, on fait des cures de nettoyage du foie au printemps, exemple. Okay. puis, des douleurs dans le dos. Bon, bien là... on peut lui demander c'est quoi son travail, sa posture. Mm-hmm. Comme les étudiantes, souvent, moi, mes quatre filles, ils étudiaient accroupées dans le lit. C'était pas bien bon pour le dos, ça. Avis général à, oui, à tous les étudiants qui nous écoutent. Oui, oh, oui. OK. Puis, mettons, en dehors de ça, pendant la grossesse, est-ce qu'on peut parler pour l'équilibre du corps ben, dans la globalité? La gestion, bon, alimentation, si on parle d'alimentation, mm-hmm. ben, il peut y avoir des femmes enceintes qui, bon, qui bouffent des croustilles le soir en écoutant la télé, bon, puis qui n'ont pas d'informations, mais tu sais, on pose des questions. Puis, avec l'alimentation, on peut améliorer tout le système digestif. Puis, il y a des aliments qui sont bons pour tout le tube digestif, comme le fenouil, c'est de l'or pour le tube digestif, c'est exemple. Bon. Durant la grossesse, les exercices, bien ça, c'est surtout le domaine des sages-femmes, tu sais. Fait que... Mm-hmm. Bon, puis à l'accouchement, des problèmes qui peuvent arriver à l'accouchement, bien... supposons des hémorroïdes, ben, des cataplasmes d'argile. J'ai une dame à Thetford qui elle avait amené son argile, puis les médecins n'en revenaient pas comment que les hémorroïdes avaient rentré beaucoup rapidement. Aussi, pour faire retourner l'utérus sans ça, trop de... l'accouchement. Après l'accouchement, oui. Bon, oui, okay. Ou une déchirure. Mm-hmm. Ça cicatrise les césariennes, les cataplasmes d'argile. Il y en a qui ont fait des cataplasmes d'argile sur la cicatrice. Ça cicatrise mieux et plus vite. Ah, c'est intéressant, mieux, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ou j'imagine sur une déchirure du périnée aussi, ça peut oui, être. Exactement. Ouais. Oui, mm-hmm. oui. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. Là. On pourrait peut-être terminer l'entrevue sur des choses qu'on peut faire pour aider une femme qui a des difficultés, mettons, en allaitement. Puis peut-être une petite dernière affaire après ça sur si le nouveau-né a besoin, mettons. OK. Pour l'allaitement... bon, des problèmes comme l'engorgement, bon, mm-hmm. des compresses d'eau chaude, même des cataplasmes d'argile, puis des plantes comme la tisane de sureau alternée avec le buis pour des infections. Mais c'est pas une infection, c'est des inflammations. Un engorgement, une mastite, c'est une c'est pas une infection. Okay. Et pour aider à la lactation, des tisanes de fenouil, du gruau d'avoine, ça, c'est encore dans l'alimentation. Bon, tisanes de fenouil, des tisanes de graines de fenouil. Les crevasses, il y a toutes sortes de trucs, du blanc d'œuf, de la vitamine E, mais des feuilles de chou râpées. Ouais. Il y en a une monitrice de la Ligue de la Laitue, elle était à Bécomo, puis elle n'en revenait pas. La mère, elle avait des jumeaux, puis ça lui faisait beaucoup mal, puis... du chou râpé, là, fin comme la salade de chou fine, fine. Ah ouais. Ça a été efficace, très efficace. Pour les bébés, bien, les coliques, bon, exemple, j'ai parlé du pyjama tout à l'heure, mais les feuilles de chou sur le ventre, ça peut... Dans le fond, c'est les coliques, c'est parce qu'on n'est pas trop sûr pourquoi que le bébé, il pleure, puis qu'on pense que c'est parce qu'il y a des troubles à l'estomac. Dans le fond, ça peut être ça, puis là, on essaie le chou. Puis, difficulté de gérer, il y a une dame que son bébé dormait 2 heures, 3 heures dehors, puis elle suivait un cours de cuisine végétarienne dans la polyvalente, puis son bébé n'avait pas dormi, puis elle pleurait. J'étais allée chercher des feuilles de chou. Puis du moment que j'y ai mis ça, elle a dormi 2 heures dans le corridor. Ouais. Fait que, tu sais, ça a arrêté sa douleur, tu sais. Fait que dans le fond, si une mère qui vient d'avoir un bébé ou qui est enceinte, puis qu'elle cherche des conseils avec qu'est-ce qui l'entoure dans la nature, elle pourrait aller voir un naturopathe, puis pour l'aider pour régler ses problèmes. Oui, c'est ça. Parce que, disons que la naturopathie, c'est aider la nature à nous aider. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, Mme Chantal Hébert, qui est infirmière. Louise Guilmette. on change d'invité. Louise Guilmette. Là, c'était au pas. Excusez-moi. Non, alors, merci beaucoup, Mme Guilmette, qui avait une formation en naturopathie. On remercie Chantal Hébert, la vraie, qui est une qui est ostéopathe. Merci, Charline, pour ton entrevue tantôt. Merci. Merci, Christine. On remercie aussi Ingrid à la recherche musicale et à la mise en onde. On va se laisser avec Ariane Moffat et sa chanson La Barricade. On vous invite à rester à l'écoute de C'est fou pour l'émission La langue dans ton oreille avec David. On va vous revenir la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Connaître ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Je vais vivre ma fin du monde.